Et donc ici le cœur. Et c'est cette première dimension qui nous dit être avec Dieu, c'est être avec Dieu dans le temps. C'est pas comme ceci, encore une fois, vous m'avez bien compris, c'est pas une étiquette. Et tawhid, c'est un acte de foi dynamique. Dire la ilaha illallah, c'est dynamique. C'est que j'ai bien compris que si je ne m'emplis pas de Dieu, je serai empli d'autre chose que lui. L'amour de la consommation, l'amour de moi-même, l'amour de l'accaparement. S'il n'habite pas mon cœur, quelque chose d'autre m'habite. Et donc c'est dynamique. Et tawhid, c'est dynamique. C'est pas arkan al-iman, et puis je peux les citer les uns après les autres. Ça, c'est de la connaissance. Mais à partir d'un moment, cette connaissance, elle est mise au service d'une dynamique, d'une façon d'être avec Dieu et d'une façon d'être avec les hommes.